Mbote bandeko balandi ya Top Congo FM na manaka parlons-en tokuta na bino lisusu lelo ezali mokolo ya mibale e bomo meseno lokola bolingaka lokola bosenga biso lokola peto meka kosala yango tous les mardis tolobelaka histoire ya mboka na biso à chaque mardi tokenaka na découverte ya page moko to ya chapitre moko ya histoire ya mboka na biso e lelo lisusu tokosola yango na invité na biso chercheur et passionné na histoire Thomas Luaka Losenjola ndeko Thomas Luaka mbote na yo mbote mingi ndeko Thierry na sepele mingi ko retrouver yo lisusu lelo tokosukisa lisolo ya bomoi ya Simon Kimbangu la vie de Simon Kimbangu Poebika mwa avril o ekomi sanza moko ya motuya particulièrement pour na ye par rapport ya komba na ye pour na Congo pe pour na Afrika poebika le 6 avril ezaki férié chemin payé pour na ko rendre ye hommage justement par rapport à oya salaki poebi pe ete pour la bino ba ebolanda rabiso miko na mikolo Na poso eleki to banda ki kolobela ye. Simon Kimbangu azali nani? Simon Kimbangu botama wapi? Simon Kimbangu a évolué a kola ndenge nini? Metosuka ki esika moko. Ndeko Thomas Luaka na sepeli mingi parce que la semaine dernière nazalaki na musée à Tervuren na Belgique na Bruxelles et je sais pas na manaye okanisaka yo na émission na biso parce que Tout ce que j'ai vu sur l'histoire de notre pays, Nyonsobo, et bien, moi, je suppose, parce que voilà, vous avez bon apoto, na salikoto vidéo, moi, pour dire, je ne sais pas pourquoi ce musée-là est appelé musée africain, parce que ils ont plus congolais qu'africains. Tout à fait. À 90%, na kombo ne bandeli, na rokota, na Nyonso, na natike, image, les alliés, image, il y a robot roulage na biso awa so ko koti na musée ono tamboli eza munene évidemment mais romona que à 80 ou à 90% eza de Congo hein ba œuvre d'art ba richesse na biso ya mabele ba minéraux na biso makambo belé bref na rumba il y a même toute une salle pour na consacrer na rumba congolaise na ba biloko nyonso yo ba tableau ya ba cabine to mona ba komi ba réseau de télécommunication Tout y est et tout est congolais. T'as on a moni en même na moni pe bah fait historique parce qu'il y a une pièce consacrée à l'histoire de la colonisation. Na kanisi makamo mingio europe sarabiso matea awa. C'est très intéressant et voilà. Bref, tozongi na histoire ya Simon Kimbangu. Tout ça la moi résumé moké. Ya auto yoka ki na poso eleki ya mbotito avancé. Merci mingi ndeko Thierry. Ndengo zoki pe chance au kena Tervuren. Et vous rappelez, madame, ceux qui t'ont salé à ta, t'ont dupliqué. Mais j'ai intervuré à peine à Kinshasa. C'était ça ma conclusion, en tout cas. Bah, mon account. Et tout le monde a dit. Et surtout, les autres, c'est un bon, on a un bon, on a un bon. Exactement. J'ai payé 12 euros pour la revisiter le musée. Donc, ça veut dire que, bateau, Nyonso. Bazo kendekuna ba congolais bazo futa 12 euros pour la retard ba œuvre d'art na bango pour la retard biloko na bango pour la retard la histoire na bango mbongo wale zo kota na gouvernement belge tout à fait bon et donc la semaine passée tout monde a qui ndenge nini Simon Kimbangu abotami na kamba azali abokwami na mama mama kulutu na ye parce que mama na ya kufa ki Simon Kimbangu zaki a peu près na 3 mois Donc maman na bokolie Simon Kimbangu ke na classe et pa ya ba protestant ba ndobengo ma BMS Baptiste Missionary Society ya ngombele tete Simon Kimbangu sali kuna 4 ans aye kuzonga na kamba bani musana ya bilanga et puis aye kuzwa mwasi ba balani ba botiba na misatu et puis voilà azako travayona comme catéchiste ya ba protestant Et puis, il y a des gens qui voient Ezako Yebisaye, voient Jésus-Christ Ezako Yebisaye, Asale Laye. Et Simon Kimbangu alobi, non, je n'ai pas la formation nécessaire. Je n'ai pas la capacité de Seigneur pour nous servir. Il y a un Simon Kimbangu, à l'ongwe kamba, à Kinshasa. Tout le monde a qui yango, à Ekosala, à HCB, ou à Ekoma Leloma Savko. Asali pendant 3 mois, ça n'a pas marché. A décidé à Zongamboka. A Zongimboka, à Kena Kamba Kuna. et puis à reprendre Moussa na ya bilanga na ya catéchiste et pas ya ba protestant. Et puis na mois avril tosuka kiwana le 6 avril Simon Kimbangu a bikisi mama moko ba benge Kiantondo na village ya Ngombe Kintsuka nde mukolo mission na ye bandi pe population ba komi ko benga ye ngunza ngunza ilakisi le prophète guérisseur de ce que tu souhaites voir. Lélo sikawa tokolo belani. Lélo siko awa de continuer donc tout mona ki premier miracle na yona Kiantondo mais siko yo batu sango bandiko tambola ba miracle simo kimbango bandiko sala abandiko baveugle baloyi baveugle baza komona ba paralytique ba koka baza ko tambola ba sourd ba komiko yoka na ba oyo balobaka te baza koloba. Et puis vers mi-avril 1921, tout le monde qui a zongi na Oti Kinshasa zongi kambana janvier, avril ndaye ko bana musa na na mi-avril, Simon Kimbangu balobi a ressuscité mwana moko na komo komo na Nzuzi, mwana ya Mvindu na Mafuta na village Lukengo. Simon Kimbangu akomi wana mwana na donc azalaki asi akufi. Simon Kimbangu asimbi loboko na ye liboso ya prier et puis asimbi loboko na ye alobi Nzuzi ressuscité c'est quoi na kombo ya Yesu. Yesu Christu mwana na fungoli misu atali batu bazui abeti maboko. Quelques minutes après mwana na azui akangi misu akufi. Donc résurrection ana ya liboso ya Simon Kimbangu ezalaki échec esuaki batu ni Kimbangu pona nini alobi non batu mingi bazali awa bazana badouti ya mwana Jésus à Salindengona. Donc, premier échec, il y a résurrection, il y a Simon Kimbangu. Et puis, Simon Kimbangu a tindi bango lobi bokende ko kundaye parce que a kose ko li susute. Et puis, Simon Kimbangu a kwa ko tente li susu deux autres résurrections, il y a mwana moko babengi Bumputu, mwana ya Dimeni na Wumba na Kimbanza, village Kimbanza, mwana mususu komo na Nkunga, fils de Nsiona et de Ntsangu en Kintumba, et les deux autres tentatives de résurrection n'ont pas ezraki pe échec batou ba sécurité Simon Kimbangu lobi ezaba noko na bango moko komo na ezaki ntsoki mususu komo na ezaki mbemba bango pe bazalaki na doute donc ya mwana ça n'a pas marché. Et puis Simon Kimbangu à un moment aye koyebisa mwasi na ye Marie Mui lobi no kanga bisaka nzambe a pesinga message na longwa kamba na kende mboka musika parce que awa batu baza kondimangaite vomiana kende musika et sika na ko servir ye nul ne prophète chez soi exactement nul ne prophète chez soi yango ana mama mwilo abandi ko kanga bisaka to ebite soki ndenge nini sango pe tambole bimina libanda ba conseil ya ba chrétien a kamba ba yoki ke Simon Kimbangu zolongwa a déménager longwa kamba kende na ye musika ba ye komona ye batindi délégation ye komona Simon Kimbangu balobi non ndeko limbisa biso toebi koza kosala na Yesu limbisa biso incrédulité na biso ndenge tobande kondima te. Simon Kimbangu alobi a se retiré ake ko prier azongi ayebisi bango Jésus Christ alimbisi bino donc na ko voyager lisusu te na kotika na bino mais une seule condition lokola bino bodute na ngai depuis mikolo ebele naza na bino a boza kondima ngai te na kosekwisa lisusu moto moko te ya kamba to na nzinga ya kamba batonga na kosekisa eza batu bakouta musika. Yango wana baye koyela ye quelques temps après baye koyela ye mwana mokori ya mwana moko kombo na ye je connais pas le nom de l'enfant mais papa na ye Nzuzi mama na ye Ndiembo baye na mwana wana non kombo koya baye na mwana wana baye na ye pa Simon Kimbangu. Simon Kimbangu na village Ntumba auti libanda ya kamba na Ntumba baye na cadavre ya mwana na kombo na ye Dina c'est une fille azalaki na 15 ans. Simon Kimbangu va akoprier Jésus Christ pe na kosenga Yesu asekwisa mwana mwasi wana asimbi mwa loboko ya mwana mwasi wana pe agangi Dina na kombo ya Yesu Kristo na sengi na yo olamuka Dina pe azui alamuki ya fungoli miso. Voilà première résurrection au Yahweh réussi. C'est la quatrième résurrection. Il y a un dialogue sur pendé réussir. Il y a misa tu as échoué. Donc Dina est la première résurrection réussie à Simon Kimbangu. Tango siko sangwane tamboli. Ça c'est que Simon. C'est impact yandengwana Simon Kimbangu. Bakomi ko uta partout. Baza koya popularité na ye mati, baza koluka nini, mingi baya koyoka mateya, baya kozwa bénédiction, ba misusu baya kozwa guérison. Donc, ba misusu ba komi komima, bibembe nanzela ya kamba, ya même ba témoignage ba missionnaire, ba administrateur ko kolonio, baza koloba, non mokolo anazole, kana kumona batiba oke na bibembe, na kamba, ba lobi kuna, les prophètes azako sekri sabato. Donc, bazako uta na Congo belge, essentiellement ba Congo na Léopoldville, ba misusu ba uta na Congo français, oui, comment le Congo Brazza, et puis na Nord et Angola. Hein, bat, donc, sango etamboli na région Onyonso. Bat bazako ya, on estime à peu près à 5000 personnes par jour au bazako ke na kamba pour na kokuta na Simon Kimbangu. Simon Kimbangu ako sala ba meeting ya minene, ya ba prédication, lokola batu mingi bazala komona epi bazala ki ba chrétien aza ko recommander bango ba continuer ko kende na ba église na bango hein le binga na ko sala église ali sikate na ende ko lendi sabino na matea donc bo continuer ko kende na ba église na bino na ko recommander mino bo pratiquer ba commandement ya nzambe surtout commandement ya bolingo ba temple ya prédication na ye mingi ezala ki témoignage ya Jésus-Christ le Messie. Et Simon Kimbangu aza koloba na makasi nyonso ke salut na mokili eza kaka sima ya Yesu Kristo. Yenda azali le rédempteur universel de l'humanité. Aza kosenga na bato baza na vie morale moko o ezali droit en particulier Simon Kimbangu akosenga na bato botika violence et violence na bitso na bongo la ondenga na lingala. Donc violence, la polygamie, makambu ya kozana basi ebele Simon Kimbangu aza kopekisa. Donc lelo yo Kimbangu seso kozana basi mibale yebaka ozana ndehori ya mate ya Simon Kimbangu. Aza kopekisa ba fetish, Simon Kimbangu akopekisa bato basimba kisi. Simon Kimbangu akopekisa bato kobina, il interdisait les danses. Lelo yo normalement Kimbangu sokoyi kobina te. Kobina ndeni. Danse kaka neto kena na fetu bandi kobina o. Ezala ya ba pagano, ezala ya... non, pas pagano, profane to musique chrétienne. Ba Kimbangu se, ba binate. Mais ba sala, défilé wa neza ko binate. Ah, na ebite nde kwa, wana otuna bato ba ebite théologie. Ya ba Kimbangu se ko le kanga, mais en tout cas, Simon Kimbangu ye moko atika la ko binate. Et puis, il interdisait les danses. Et puis, aza ko pekisa, adultère, Simon Kimbangu a pekisi cigarette, ekobo, adultère ekobo, Simon Kimbangu a pekisi, cigarette. Bon, moi peut-être exemple moqué. Et pas ba baptiste, y a za catéchiste, y a ba baptiste. Ba baptiste ba peki sa cigarette te ba déconseillaka, hein, comme la cigarette était. Simon Kimbangu ye a interdire, donc moi nuance moko poti. Et puis na masanga, alcool. Simon Kimbangu a peki si masanga. Il faut te expliquer ba tout bien ko interdire na ko déconseiller. Na ko ya wa lobby komelate. Awa ba melakate. Voilà. To pekisi ko melalikaya. Wana interdit. Wana interdiction. Déconseillé, ezali ke, ah, bon. Omoni, likaye ko bo mayo, ezana ba effet belé, yamabe, et tout ça. Fumer préjudiciable à la santé, et tout ça, il faut éviter. Exact. Après, si au conseil, il faut rotika. Exact. Hein, de préférence, ko sala yangote. Wana eza ko déconseillé. Déconseillé, voilà. Merci, Mingindeko. Et puis, aza ko recommandé. Na batu nyonso, bato bazako ya baduka mutu na mutu aluka Bible na ye. Aluka Bible, pona kotanga ayeba vraiment parole ya nzambe elobi nini. A la suite ya ba recommandation ya Simon Kimbangu na sur la lecture de la Bible, ba mission nyonso ba protester zaki na nzinga nzinga na ba stock ya ba Bible esili. Ba population ba keko somba nyonso. Et puis... Il a dit à quel point il était puissant. Oui, il était très influent. Et en plus, Nangongawana, ba média, ils allaient quitter. Donc, ils ont des gars de bouche à l'oreille. D'ailleurs, tant que tu as un Kedasi, pour en compléter, tu as une communication, tu as une bande de livrement, tu as un premier graduat. Balaki Sabiso, à quel point communication de bouche à oreille, ils allaient qui impacte ma casse. Par moment qu'on est quand même dans les médias traditionnels. Tout à fait. Donc, bandai ko kende ko percer, makasi, c'est vrai que ba onde, bat ba olandango des milliers de personnes en même temps. mais communication de bouche à oreille, yango et ça la histoire na biso. Exactement. Témoignage lelo de génération en génération et tout ça, sangwe komi na mboka oyo et panzani et kena mboka na mususu et panzani ka ne bato bazotambola ezaki pe na impact nango. Justement, lokola toti komona ngo moni ya za osala action na kamba mais sangwe komi déjà na Angola. Sangwe koma na Congo Brazzaville pe bato bazako ya donc vraiment voilà. Et ben ko marché. Et puis azako senga na bato ba ki ne ko se faire baptiser. Na ce qu'a prêché et puis elle dit bon bokende kozwa baptême na ngombe lutete hein na centre missionnaire na bango wana. Donc jusque là kimbangisme comme religieux athée pour lui c'est un catéchiste voilà. Ba, protestant azote ya batu kaka ba, ba principe ya biblia ya bible et puis bokende ba, ba voilà et ba o ba sambela na ngombe lutete et elle dit et sika bo wuti bokende ba baptisé bino na kombo ya Yesu Christ ba baza ko senga ye a baptiser bango lobi non na koki ko baptiser binote parce que ngai naza ko dépendre na ba missionnaire ya ngombe lutete ba pesinga ni autorisation ni pouvoir ya ko baptiser bato donc moyen na baptiser bino ezate ngai nazalika kote ya bino évangile ya Yesu Christ donc voilà ba prédication na so kaza ko pesa et puis après ez a entrecoupé na ba chant ndenge ba kimbangu se ba yemba ka tue bien et puis ba oyo ba biki misu to lepre lepre nebite ba maba hein, maba maba eh o ba biki maladie ya maba na misu simo kimbangu azako recommander bango après guérison ba kende ko sokola na mai moko ezalaki ba na obenga la piscine sacrée na se ya ngomba na kamba ba kende ko sokola kuna ezalaki dans un premier temps ba oyo ba biki na maba na misu mais après population nyonso pe oza la malade oza malade te bango nyoso ba komo kwende ko sokola na maya kamba tile lo donc voilà comment les choses se passent et puis il faut noter le souci que Simon Kimbangu pendant moment na ya prédication azali ko s'opposer ba benga et prophète alobinga na za prophète te na za simple messager ya Jésus-Christ bokoy ko benga ngai prophète te balobi pe en fait ba mindele baza ko traduire momoko ya kikongo a mabe ba kongo ba ko benga un tumwa tumwa na lingala ntoma ambassadeur ambassadeur ya Yesu auto messager donc voilà nazana timo kimbanga solo banazana pouvoir mokote ezalika ka Yesu nde azali ko utiliser nga lokola instrument na ye po makamnyo so salama na gloire na ye. Le 7 mai 1921, Simon Kimbangu a koyako sélectionné ba collaborateur na ye. O ba benga ba disciple. Bon, ya na o benga ba disciple te. A ko benga ba collaborateur sacerdoto. A poni ba tu 6. Ya liboso kombo na ye. Thomas Ntualani. Ya mi bale Michael Mandombe. Misa tu Pierre Ndangi. André 4, André Mbaki. Jean Mukoko na Thérèse Mbonga. Maman Moko, Azaki Pena Katari Mbonga na Thérèse Mbonga. Une femme était parmi ma collaborateur ya Simon Kimbangu. Mais très rapidement, Thomas Ntualani, oya village intima, si ako s'autonomise par rapport à Simon Kimbangu, yepe a créé mouvement na ye, na ebite so e continue kati lilo. Mais il a pris, il s'est autonomisé rapidement. Et puis André Mbaki, il n'y a pas à la rétrograder parce que le bâti Saint-Esprit est à quoi il est sous-souté. Histoire, il y a Bomoï, il y a Simon Kimbangu. La vie de Simon Kimbangu, suite et fin, Lélo, na parlons histoire, na Top Congo. Vivez la meilleure expérience Internet avec la 4G Plus d'Orange, numéro 1 en couverture et qualité réseau. Tokoba. Mais, na moment où on a la période de Simon Kimbangu, le prophète nous sous-souté va comme Kobima. Ba misusu ba bimi, ba misusu pe baza ko utiliser kombo ya Simon Kimbangu et créer moi confusion. Et Kimbangu ko benga ba faux prophète, misusu pe bazwa na kamba, Kimbangu zo benga na bango. D'ailleurs, moi confusion ko kota ti le loyo. Dans la théologie kimbanguiste, entre Mateya ya Simon Kimbangu, na batu wana baza ko se réclamer na ye, qui avait un discours un peu plus radical vis-à-vis na Mendele, vis-à-vis na ba catholique. Confusion kokota entre message à Simon Kimbangu na yaba prophète wana mususu yango ti lelo batu mususu bakanisa kake bayebaka teke le kimbanguisme est une église chrétienne. donc il y a moto à prendre bango lelo le kimbanguisme c'est une église chrétienne alors que ba courant wana mususu ba lobi non bana ba héritier ya kimbangu ba dévier message na ye ba commission au christianisme mais kimbangu azalek. Donc voilà confusion et outil na période wana na ba prophète na mususu. Donc si koyo différence ni nezalaki entre kimbangu na ba prophète na mususu, la grande différence c'était que Kimbangu abanda ki kondimate bafutaye. Donc ce qui boye a sali sibino za maladi ou pe simbongo kimbangu ane ko zombongo te par rapport à ba prophète na mususu qui se faisait rémunérer. Réaction yami kondia mboka e ko zala siko ndenge ni. Banda kala makambo ya ozana 50, ozana 100 dollars oye na wona tia wama boko. Non, kimbangu azaga na biloko na te. Te na lobi ye te. Te na lobi ye banda kala. E banda kala. Exact, mozana rezo. Simon kimbangu te me banda kala. E banda kala. Na ba prophète misoufen, to basa ya nzabe msusu. Ya kosuma mapamboli. Donc, siko yo, tangu population, dans un premier temps, tomona ki yongo professeur zaki na doute, et puis Simon kimbangu ayeko zwa succès, mais siko yo, na le 17 avril 1921, tout le monde qui le 6 avril. Le 17 avril, rapport est comme la mission qu'on a en Gombe le tête. Ou le chef, il y a un missionnaire protestant. Qui est catéchiste, il y a un missionnaire. Révérend Jennings, c'est un anglais, Mukolo, donc chef et apôtre en Gombe le tête, a convoqué Simon Kimbangu. A mis Simon Kimbangu, il y a un Gombe le tête, il a besoin. Wana le 17, et puis le 19, Simon Kimbangu a commis dans Ngombe le tete. Ayeye mokote, aye na mwasi na ye mama mwilu, na papa mibali, papa couple moko boye, mwasi na mbali na garçon, na mwana na bango. Tango ba komi wana deja, lisole bandi mabe. Jennings ayambi, donc le référent Jennings, azaraki ye mokote, basaki minde mibali na référent Hilar, et puis na bakate, babenga on ba diacre. Badiakre misa tu bazala, kena ke Simon Kimbangu konese, paska pesi bakombo na bango, Lemvo, Manuel, Nantetela, bazala kyo nana ba mindele wana. Jening sa msi Kimbangu, ekute, zoame, kiti ya mwana, vanda, poto banda osolo. Kimbangu lubino, nako vanda te. Vanda te nini yo, donc l'entretie entre Kimbangu na Jening, si ya mkolo wana le 19, ele kaki Kimbangu aza, ya botelema. Jennings a tourné ma question, Ti, à un moment, il y a eu tout naïe. Preuve nini, la kisanga preuve aux anango, que nzambe, puissance nzambe, et ça au sala na katinaïo. Simon Kimbangu a balouki, moi na obayaki naïe. Simon Kimbangu a présenté à l'obibo moni moano. Moi noyo, azalaki a koukoufa, na sekri saki e lobi. La fille ou la sexuelle. Non, Dina, tu es moussous. Oui, on a moussous. Donc après Dina, c'est que ça. Oui, tu es moussous, c'est quoi que tu es. Les autres, tu es qui. Alors, moi, on a sexe qui est lobby, donc voilà, preuve. Bon, Jennings a taille, il a sali commentaire. Et puis, Jennings, révérend Jennings, il a tout naïe. Est-ce que vous avez un fond, vous avez un moyen pour nous étendre, pour nous faire un évreux, vous avez un moyen. Simon Kimbangu a dit, Nzamba Zali Mobolate. Azana ba moyenso pour na ko réaliser œuvre naye. Donc entretien entre Jennings chef ya Kimbangu na kati ya lingomba ba protestant mukolana e katani wana Kimbangu azui azongi na kamba. To continue justement lisolo yo ya bomoi ya Simon Kimbangu juste après basango na biso na lokota ya Lingala. Ni ami balé ya parlons histoire ya mokolo ya lelo tozoko lobela bomoi ya Simon Kimbangu, la vie de Simon Kimbangu suite et fin na invité na biso Thomas Luaka Lo Senjola to banaki yango na poso eleki na poso yo to kosukisa j'espère que bozala ebele a ko réagir et to rotiki na bino temps ya réaction surtout d'ailleurs na kutana ngina bande komoko na poto baza très fan ya parlons histoire na mama moko enfin na bosani kombo na za d'origine autrichienne mais évolué mingi na milia ya balingalafone au vidéo na d'ailleurs circule zo singa na débat na Noël Chani. OK na oui, oui voilà elle est très très fan na pasteur Bobo baza très fan ya parlons histoire mais ba sengi que bato ba réagissera mingi Donc, j'espère que, puisque ça, si je peux concerner Batubele, il y aura beaucoup de réactions. Non, donc, mais c'est, non, ce qu'on va faire pour nous permettre de réagir, hein. La canisse, tu vas l'obliger, tu vas. Bon, toi, avancer, nan. Le plus important, dans le bar, toujours, c'est que, ils ont exposé. Oh, ils ont histoire. Exactement. Ils ont émission politique, ils ont émission histoire. Émission histoire, motoyé, à bêtiner une histoire, et ce qui complément d'informations, ils allient, ce qui va réaction, ils allient, bourreaux atteints au salaire. Alors, toi, ce qui est sika, bah témoignage et belé le roi Simon Kimbang aux catéchistes kaka. Oui, bah convoqué na ba missionnaire na. Voilà. Et puis tout le monde est entretien go et le Kimala Mouté Kimbang azongi un mois plus tard. Révérend Jenix, donc le 18 mai 1921, Révérend Jenix yemo ko a décidé à yana kamba. A komi na kamba wana pour na kolanda ba prédication na makambo yo catéchiste na za ko sala na terrain. A komi wana vandi bon tanguye Jennings a komi na kamba apesa ki rapport na ye alubino na kuta ki a peu près 500 personnes bakimbangu si alubino tuzala ki a peu près 15 à 10 000 personnes donc Jennings tangu a komi wana Kimbango ayambie malamu na respect nyonso ke chef hiérarchique nanga ye ayambie malamu avec modestie et soumission et puis bavandi wana Jennings abandi kolanda sko prédication ya Kimbango ndenga za kote ya batu et puis alandi journée sili Jennings azongi na ngombele tete na rapport na ye ya restitution Jennings alobi ke nazali commettre en doute ba guérison miraculeuse ya Simon Kimbangu. Mais malgré ça, popularité ya Simon Kimbangu ezalika akomata yango wana ekoya ko pousser to mona kinanu dans un premier temps ezalika mbuya Kimbangu na ba protestant mais tellement popularité comme munene ba catholique ba koya ko kota makambo ango. Ba catholique ba koti dossier ango alors que secteur ya nakamba ezalika secteur ya ba protestant parce que to ba na époque coloniale ba catholique na ba protestant ba bane ko kabola ba secteur ba catholique ba yeko kota na makambo ango ba catholique ba za très fâché contre ba protestant ponani ba lobby bino ba doctrine na bino ya église protestante yango eza ko permettre ba phénomène lokola ya Simon Kimbangu justement de ko sana raison ko tuna question na lokola mboka na biso tozala ba ndimie belé to expliquer moi moke différence entre ya doctrine entre ba catholique na ba protestant na tout le 16e siècle sango moko ya catholique azui a komi mukanda moko pona ko protester contre ba comportement o ezali koleka na Vatican prêtre catholique azali professeur à université azali ki allemand kombo na ye Martin Luther azako denoncer nini azako denoncer décision moko bo ba pape mi balé bazwaki Jules II na Léon X. Bazui décision batonga basilique Saint-Pierre ou ya Rome wana. Muneza ndak munene wana. Si kotang ba décider ko tonga ngo et sengi ba moyen. Et sengi ba moyen pape wana mi balé ba yeko zwa décision ba benga kango le commerce des indulgences. Et la kisinine. Na théologie ya ba catholique doctrine ba catholique soko kufi ozana mwa masumu ya mingi penza te mwa masumu ndambu oloke nde lolamba na moko okolekana na salle d'attente moko babenga ngo purgatoire voilà donc bandimi bakota kana purgatoire ba souffrir mwa muke le temps futa masumu o asala kina mabe akenin sikoyo ba papo na ba iko bimisaide comme quoi nde kona yo ya kufa okokiko décider dire na ye ta na yo oleksa na purgatoire. Et si la tue koma mukuse, soko futi mbongo na église. Donc, ba doa komi kuya, opesi mbongo na église, ba lobi non, papa a décidé, azui, a pardonné ma soumounae, donc alongo na purgatoire, yoko eko ni maten, de kona a continue ko soufri, donc so zana moye, oko bimisa. Donc, Martin Luther a lobi non. Donc, ba komi ko monnaie. Voilà, ba indulgence, donc, ko limbi sabat. Ko limbi sabat. Martin Luther a lobi non. Pouvoir wana pape yo ya kulimbisa, ozu ango wapi. Papa lobi non pouvoir on ezali na Matthieu 16 19 hein so boten na Matthieu 16 19 Matthieu 16 19 lobi nini Yesu aibisi Pierre yoza Pierre na kotike la oba fungula oyo yoko kufungula na se eko funga malikolo oyo yoko kangana awa na se eko kangana malikolo donc pour ba fungula wana Yesu atike la ki Pierre to yebaka yango pe apôtre Pierre ne papi ya liboso. Donc, ma pape, nous sommes ba successeur ya apôtre Pierre. Voilà, ma pape, balobi, biso pouvoir en a, et outil na Matthieu 16, 19, yesu atike la kibiso ba fungula, ya likolo. Donc, nani wana, sango wana, Martin Luther, a contesté théologie wana, yango wana, le 15 juin 1520, pape Léon X, a kosenga na Martin Luther, au se rétracter et la question nini ko se rétracter ndeka na kolo bandeke na lenga pa ozu mokano o longola yango dongo ozo basi lo ma loba ono lo baki o retirer retirer ma loba no nyonso ono lo baki Martin Luther a boy ko retirer ma loba ba ide na yana yango na le 3 janvier 1521 azali excommunié na église catholique Martin Luther de akoya ko lancer siko mouvement na protestation nde ba bengi bango lelo ba protestant sikoyo ba ide na bango ezali mouvement ya ba protestant euta na sango catholique catholique oui. Martin Luther était un prêtre catholique ye muto a créé un mouvement i théologie à Martin Luther parce que ça valable tu lelo ezali nini ba résumé kango na point mitano ba bengi yango les 5 solos ezali nini solas solas scriptura na clate et la qui seules les écritures donc pour na ba protestant pour oyé ba volonté en nzambe bible kaka ekoki donc seules les écritures saintes compte au quoi que référence mon société pour na ni ba lobine ngona parce que pas ba catholique il y a solo bible ezali mais pour na o comprendre bible malamu okoki pe ko se référer na ba mikanda oyo ba catholique ya mayele ba koma ba benga ba les docteurs de l'église to les pères de l'église bang batu ya maele ba koma yango nde sali doctrine na tradition ya église catholique donc bible yango moko ça ne suffit pas il faut peut se référer na doctrine alors que ba protestant ba lobi biso makambo ya doctrine na ezate bible kaka deuxièmement ba catholique ba protestant ba yeko kotsa idée que et c'est ça la doctrine ko ya ko bota Simon Kimbangu ti lelo ba protestant ba za na doctrine wana mutu nyonso azali na possibilité ya koluka volonté ya Nzambe en entrant directement en kotanga yomoko Bible po yeba volonté ya Nzambe yomoko muta ko yako expliquer te yomoko ko kotanga Bible. Deuxièmement, Nzambe par sa grâce na grâce naye akopesa yo mayele o comprendre. Donc la grâce divine ko sala ke yo comprendre. Donc mutu nyonso ko kotanga mutu nyonso Nzambe akoyeko sungai a comprendre, a interpréter, babenga on la libre interprétation. Et pas ba catholique ba lobi non. Bible c'est un livre complexe. Ezali livre moko complexe et sengi mwa formation pour mutu a comprendre. Yango wana n'église catholique, Bible lecture nango to compréhension nango ezali réservé na bato yo batanga ba classe minene na ba séminaire. Donc les clergés. Si koyo ba protestant lokola ba yesu kona théorie na bangwana ya mutu nyonso ko iko tanga bible mutu nyonso ko iko interpréter ba catholique ba lobi bomoni ba conséquence yango yo bomemeli biso ba Simon Kimbangu ba komi kobima. Donc pour l'église catholique pour na bango ezali ba protestant bazali complice ya ba kobenga l'illuminé de Kamba. Donc bino ba protestant boza ba complice na et puis ba catholique à part seulement qu'on critiquer ba protestant comme l'église catholique toi ba kango na époque coloniale ba sala ki influence ma ka c'est pour nanini parce que ba belge bazali ba catholique ba protestant to sala ki nangwa wa eza ba paya ba anglais ba américain ba belge ba mo bazali ba catholique donc église catholique eza ki influence ma ka si na Congo to mona ki moniti monopole enseignement c'est l'église catholique mo tande ka ko tangisa. Donc l'église catholique va commencer à l'influence pour ba benga na ba protestant na Congo. Ba lobi soki to continuer na bango, ba kotia biso désordre na ba matière na bango. Et puis ba attaquer sikoyo directement Simon Kimbangu. Église catholique. par exemple, Père Mokoba Benge Van Rosenthal, yé a lobby, on n'a aucune preuve, ti le loyo, ya ba miracle ya Simon Kimbang. Sango Moussousou Komonae, Père Jodogne, yé pa lobby, la chose est maintenant prouvée, Simon Kimbang avait trompé son monde au moyen des maladies imaginaires soudoyées. Donc, au moins, il y a contestation et bandit, malgré la contestation, malgré la campagne de dénigrement contre Simon Kimbango, popularité naïe, Ezalika Komata, conséquence à popularité, wana, ndeko, ba hôpitaux, ba malade nyon se ba kimi ba hôpitaux. Donc, ba hôpitaux, ezasiko yo, ba mbetu vide, ba malade ba zate, ba malade nyon se nzela kamba. Ba mission chrétienne ezali désertée, ba ouvrier ya ba mindele, ba boy ya ba nini, ba ngonyo se ba boy ba kumiko kima, ba ngonyo se ba kende koluka, ba mona Simon Kimbango na kamba. Et conséquence, et puis si crise ya main d'œuvre et koti na Kinshasa, na Bakongo. Et puis, ba atelier à chemin de fer, en particulier ciment de Lukala, ya wote benga lolo sinat, cimenterie de Lukala, ba tunyon se ba misala ba kimi, donc, ça devient un vrai problème. L'Église catholique aussi va commencer ce qu'il y a à critiquer l'administration coloniale, c'est-à-dire l'État, à l'obi bino. Et le danger, l'État, il fallait au moins depuis qu'à là, groupe à battre, il y a 1000, 2000, 5000, il y a des autres à la cacane, il y a des autres à l'autre côté. Donc, il y a l'État, il y a bolole. Donc, il y a un gros à ce qu'il y a. Makambu, et qu'on continue, ba catholique, ba qu'on accusé entre autres Simon Kimbangu, yé moutou azali, à l'origine, y a grève générale, azali, ba désertion massive, wana nyonso, incivisme généralisé, kopé qui s'abattu pas fouta à impôt, ba Kimbangu, c'est ba qu'on répondre. Alobi, grève générale, grève na période à Kimbangu, grève générale, c'est la maquité. Deuxièmement, désertion massive, alobi, non, te reconnaître que, ba tout ba Kimakimisala, Pobaya Kamba, mais eza mot d'ordre de Kimbangu. Kimbangu n'a jamais donné un mot d'ordre, botika misala la bino bola nangana kamba. Et puis, un civisme, refus à paiement ba impôt, Kimbangu a lobby, yé, atikala kopek sabatou, ba futa ba impôté, ezaï ba prophète moussousou, debata moussagi message. D'autant plus que, et puis ça ébisson la première partie, que Kimbangu a vané au sénga batou, botamo la malamou, polygamité, violence té, sabotou samibeko, etc. Exactement. Donc, voilà un peu. Ce qui se passe, mais ba belge n'a pas autorité, il y a quand même un risque d'insurrection. Insurrection, la xilini, mouto yo popularité à zozoa, basa simanaye, moukolezali, a koiko décidé à soulever ba population contre Mandele, ba benganabiso. Mm. Donc, le mouvement de Kimbangu devient une menace politique, à caractère politique. Où la colonisation en fait une menace politique. Exactement. Avec exactement. La complicité de l'Église. Exactement. Tout le babongo. Ndengwana. Le 1er juin 1921, administrateur territorial, il y a Tisville, il y a Mbanzangongo, a sali réunion avec les missionnaires catholiques et les protestants pour discuter dans le Makambe à Simon Kimbangu. Bangonyon, ce protestant et les catholiques, ils ont condamné le mouvement à Simon Kimbangu, balobi ont un danger. Ba commerçant pays ya Mbanzangongo wana bango pe ba komiko de ba mindele hein commerce zo marché de sousouté ba activité nyo se comme na ralenti yango wana administration e ko ya ko décider et intervenir sikoyo na dossier ya Simon Kimbangu le 28 avril 1921 administrateur du territoire ya Tisville donc Mbanzangongo kombo na ye Georges Léon Morel un jeune garçon à 29 ans d'Azaki athée a tindi rapport et pas ya chef naye commissaire de district ya Bakongo a lobi natanga mo extrait rapport yango au village de Nkamba depuis deux semaines nakubongola ningala au village de Nkamba depuis deux semaines environ un certain Kindangu a komi mabe Kimbangu ya komi Kindangu Kindangu se donne des allures de prophète il jouit d'une popularité vraiment extraordinaire qui n'est pas sans me causer de sérieuses inquiétudes. Le thaumaturge opère des miracles, dont la résurrection des cadavres, et il ne se fait pas rétribuer. Il aurait, paraît-il, manifesté l'intention de se choisir 12 apôtres. L'auteur de tout cela est en réalité un illuminé. Donc, administrateur du territoire a tenu rapport. Naboma, dans mon Naboma capitale, alobi voilà problème dans la Nangwawa. Moutoumoka bimina kamba, alobi yaza prophète, voilà, voilà, voilà. Ndenge bolandi. Et puis, Aza Koloba, quelle est l'intention? Kimbango intention ni nazanango. Est-ce qu'Alinga a créé l'église Yassika ou bien Azolinga Azar a comme très populaire, popularité en éco permettre à organiser soulèvement politique. Donc, Bamala de Kombazo Kende Kunaming na bibembe bazo mema bibembe na kamba, Morel a lobi et a risque d'épidémie. Et salam. Tant que Morel a tindi rapport na ye et pas chef na ye, ye moko a décidé pe pour rapport na sali, ye moko a zaki na a koma y kambate. Yangwana le 11 mai 1921, na 13h, administrateur du territoire a komi na kamba. Tango a komi wana, oui, yenda lobi ke Morel mutalobaki gana kuta ki 500 personnes na kamba, administrateur du territoire, alors que Kimbangu se valobi basala ki entre 15 et 20 000, et zala ki Jennings, c'est Morel. Donc, tango Morel a komi a ke okuta na Simon Kimbangu, ba yepsi ate a komi, mbulamatari a komi, Simon Kimbangu a yena ba Babengi Simon Kimbangu. Simon Kimbangu a yili bosowana. Morel a tunye question. Simon Kimbangu a baniko tuntuka. Yena batuna yeba tuntuki. Bakomi koloba en langue. Administrateur du territoire a otala bango kaka. Tango basilisi. Morel a expliqué bango. Je ne suis pas venu avec des intentions hostiles. Hein? Na ye ko agresser binote. Na ye ka ko comprendre. Makambu abanga ki abanga ki muni batu groupe abatu abandi ko tuntu kaliboso na yo d'accord. Vivez la meilleure expérience internet avec la 4G plus d'Orange, numéro 1 en couverture et qualité réseau. Parlons-en, parlons histoire aujourd'hui, la vie du prophète Simon Kimbangu, suite et fin. Bon moi ya prophète Simon Kimbangu Kiangani, suite et fin. Tozolo belango na toma luaka lo senjola. Alors Tango batuntuki administrateur du territoire aye na kamba. Batuntuki tango basilisi Simon Kimbangu azui Bible. Abande kotanga chapitre ya Bible oyeza koloba bitumba ya Goliath na David. Abande kotangela ate passage wana. Donc elakisike ngana za David. Yoza Goliath ndengo ye na bapomba na ozana ozana pouvoir menga za David. Voilà. Na bolonga. Atangi vers 19h Morel, et non, avant on attend Kimbangu à celui-ci, Morel a cinq batounaye, va monter tante naye, administrateur du territoire, va n'a pas tante naye, va monter tante naye, wana. Et puis 19h, à Bengisi, Simon, na, et pas naye, n'a pas collaborateur naye. Tango ba komi wana, a tuni Simon Kimbangu, a lobi, voilà, expliquez nga nanou ba activité na yo, osa ko sal exactement nini. Quelles sont tes activités religieuses osa nan? Tango atuni Kimbangu, Kimbangu va répondre à Zui Bible, atangi troisième psaume, hein, psaume ya Bible, où est lobi kenzambe okobate langana banguna nangai. Atangi lango, atangi lango, atangi lango Morel. Et puis atuni Morel, est-ce que yo ye na kamba po na obundisa Saint-Esprit? Kimba, Morel abino na ye po na wanate. Et puis, mbutu mobimba wana, Simon Kimbangu na batu na ye, baza ko priye a haute voix, bako yemba. Morel a salaika tante na ye, pembeni, ya, esika bango bazali. Morel a tini message, alabi, est-ce que boko yina nuko se kalmete, parce que, makele nabino, eza ko peki sangai, na lala. Malgré ça, ba continue ko yemba, mbutu mobimba. Et puis, le mardi, na, le 12 mai na Tongo, Morel ba malade ba ye, hein, o ba ye, nengba yaka na kamba na grupu wana. Morel pe abimi, alubina kile kotala, makambu mutu wangwa salaka. Ba malade ba tondi wana, Morel azui, administrateur di territoire, aponi ba malade mitano. Aponi malade mitano, alubi, voilà, Simon Kimbangu, esko koyeko nana kubanda na honu kubiki sabatoi. Kolaborateur moka Simon Kimbangu, alubi, no, biso to biki saka, nengwa nate biso to biki saka par ordre d'arrivée. Donc voilà, incompréhension et koti. Bon, voilà, Morel a vendu on a toute la journée, a tel makamuna wa ndenge za koleka. Et puis, na per, na moment na pe ba faux prophète Moussouba ki, nani azu abengani bango. Le vendredi 13 mai, 8h du matin, Morel a quitté Kamba, a ke na ngombe lutete, ou a échangé na ba missionnaire protestant, et puis a zongi ti na Tisvi Nambanza Mungu. tango zongi na banzangungu akeko sala rapport na ye. Rapport na ye eza défavorable. Albi oui, c'est vrai que na mona ki ba malade, les maladies nerveuses hein, ba za kozwa mo amélioration o nga na sista ki yango. Et puis le 1er juin 1921, mais rapport ya mabeza yini amoni ba malade ba oui, a côté doute ba amoni guérison neti muto asekwa kwa lobi na mona ki muto te asekwi kwa mais na moni ba to ba za na maladie nerveuse, il y a eu des améliorations. Bon, a expliquer en gros c'est la suggestion, influence à Simon Kimbangu et tout et tout. Le 1er juin 1921, à Témorel, à Sali Réunion du Soussou, naba évaluation, naba catholique, naba protestant, na Mbanzangungu. Le même jour, tant que Sali Réunion, na le 1er juin, à Témorel, à Zui Télégramme. Télégramme, il y a chef, na y a commissaire de district. Commissaire de district, à Tindele Télégramme, à PCE Ordre, Kende Kokanga, Simon Kimbangu. Yangona wana le 1er juin, le 5 juin 1921, Morela, Longwe, Mbanzangungu, Tisville, na 24 soldats, na interprète na ye, Nzela Kamba. Aokoma Kamba, le 6 juin 1921, tangu akumina Kamba ba après-midi. Rapport Morela, ko sala après, azako expliqué, alubi tangu na komina Kamba, na 20 militaires, ba militaires msou na tekebe wana village moko Yanda, pembeni wana, consigne na pesi na ba soldats na ngayi, que toye awa kokanga Simon Kimbangu na ba kolite na ye mais bo déranger population te. Et puis Morel a lobi na boyi ko pesa ba masasi na ba soda na ngai ba soda nyoso na kineki na bango stock ya masasi ngamo na za garder ngo bazaki na minduki ezala masasi te. Et puis a lobi tango to komi wana full ba yambi biso avec hostilité parce que ba yeba ke azoya ba yambi biso avec hostilité. Ba soda mi balé ya Morel basali agressé, solda malambo azali blessé na mutu ba bete libanga na ba kimbanguiste, et puis solda mampunga ye ba tubie trois coups ya mbeli. Donc ba soda si kotango désordre en est commis ba ko senga Morel masasi. Morel azako hésité ti à un certain moment alobe azaki na chouate azui apesi masasi na ba soda. Apesi bango ordre, babe ita likolo pona kupanza full. Na batrouble anantango esili, mama moko aye, alobi voilà, babo mi mwana nanga na lisasi, epi nga mongo pe lisasi ezwingai, mwana nanga akufi, epi ngai pe bazoki singai. Basoda bakangi batunini, bakangi kolaborateur misatu ya Simon Kimbangu, Mbaki, Ndangi na mama Mbunga. Trois kolaborateur ya Simon Kimbangu bakangi bango, Simon Kimbangu yemo na désordre ona Simon Kimbangu azunzela akimi. Donc le 6 juin wana bakangi ba collaborateur Kimbangu bakanga ki ete. Donc version ba Kimbangu c'est le bino tangu ba komaki wana Simon Kimbangu apesa ordre makamba ko répondre na violence ezalité mais siko tangu Simon Kimbangu batwana ba ye andimi bakanga ye. Tangu bakangi na basoda Morel babani ko beta ye ba cross ya minduki na bango population baza choqué na mauvais traitement na nde population bakota ki bitumba nde désordre ye ko bima wana version Kimbangu ya Kimbangu ya ngwana na désordre na Simon Kimbangu alukinzela akimi. Donc voilà comment le 6 juin na Morel na basoda na ye alali na kamba wana et puis le 7 akite na ba prisonnier na ye Azongi na bango na Tisville. Et puis atiki quelques noms, atiki quelques militaires on a ba copier pe ba militaire on a ba pillé camp. L'administration coloniale ekoya kozwa siko ba décision minene ya liboso ba décider le commissaire de district a décidé chefferie ya Nzundu o ezana camp ezana kati ezali placé sous régime de l'occupation. Occupation militaire, adjoint du commissaire de district, donc chef ya Morel, commissaire de district adjoint, yemokope, aena kamba, duro sukoyo, aena renfort, Morel a qui na 24 soldats, chef na ye, yemoko aena 100 soldats, baeko s'installer na kamba. Bakouvana na kamba, on a pendant plus d'un mois. Voilà comment, dans la zone là, et comme si zone neti, tobe on in lelo. État de siège, voilà. Mm. Et comme il y a à peu près état de siège, bah militaire skoyo va récupérer autorité. Tant bah militaire va récupérer autorité à Makamunyonso, bah vandouana les 6 juin, donc on a tina les 6 juin, tina les 12 septembre, ça les combien de temps? Juin, juillet, août, septembre. Donc à peu près 3 mois et demi, Simon Kimbangu a côté la clandestinité. À côté de la clandestinité, bah soldats bah ça coulukaie partout, il est pas ça au continent. Côté y a maté y en a eu des villages en village. Et puis les samedis, 10 septembre 1921, donc 3 mois après, 10 septembre, na culte moko matinal Simon Kimbangu a ça au sein d'un village en Tanda, Simon Kimbangu a annoncé population. Donc, dimanche, annoncer population intention naïe, il y a qu'on se rendre là-bas autorité à l'obingongananga et Koki. Voilà le 10 septembre. Le dimanche 11 septembre, Simon Kimbangu a eu un culte na Ngombe Lutete. Hein, papa protestant. A eu un culte wana. A côté na culte, a vendi, a koutani na chef naïe wana ya Jennings wana ya Baptiste, ya protestant. A ABC a reproché Jenny Salbi yo nde oké ko influencer batu nyonso na l'état po baya ko maltraiter ngana batu nangai alors que zozali ba innocent. Na Ngombe Lutete wana Simon Kimbangu dimanche le 11 alongwe na Ngombe Lutete ake na Ngungu Kimbanda et après Ngungu Kimbanda aye na Kamba le 11 septembre 1921 oyo population e yambiye loko la ero. Ba betelie maboko, ba yambiye, tetu. A continue pe ko preche bango, ko explique bango ke tanae e koki siko yo. Aeko se rende. Yango wana, le lundi 12 septembre 1921, mukolo ya anniversaire na ye. Tomona ki yango Simon Kimbangu botami le 12 septembre 1887. Donc, le 12 septembre 1921, Moukola Kokisi, 34 ans, à cela qui jeune, 34 ans, donc, avant de na Kamba wana, à la Mouki, à Bandiko, sera l'activité, na écoute, na fin à journée, na fin à journée, à Moni, ba soda, ba ye, ba soda, ba ye wana, ba zali dirige, na papa moko ba bengi l'agent territorial snook accompagné na groupe ya ba soldat ba yewana na Kamba Simon Kimbangu akeko se présenter et pas snook allo bingainde Simon Kimbangu oyo ozali koloka et puis snook na ba soldat na ye sur les champs bakangi Simon Kimbangu. Les proches collaborateurs à Simon Kimbangu, na autre Kimbangu CP, le collègue Simon Kimbangu, le bâti na boy ma kamba violence, bangonyon se basu ba se rendre. Le lendemain, Snook, na délégation na yon son à Kimbangu, a commémoré bango à peu près 120 personnes Kimbangu se bakangi, a memi bango na 10 villes, oyo population en Banzangungu, et yambi Simon Kimbangu bako bete la ma boko, alors que ba mindele ba commerçant mindele en Banzangungu, Bimiwana Bazako Lolaye comme voyou. Voilà comment le 12 septembre Simon Kimbangu est arrêté. La canisse de l'autre côté, les Mawanandek. La Simingi. Tout égal, il y a un chapitre Mouamouke, procès na yena condamnation. Merci beaucoup. Vivez la meilleure expérience internet avec la 4G Plus d'Orange, numéro 1 en couverture et qualité réseau. Bon, voilà ce qu'on te le baisa suite. Fin. Merci. Ezali po bo tuna mituna to bo réagir hein nokwa bo zali d'ailleurs belé à réagir déjà na YouTube ba te belé bazola na biso bazola réagir bo benga biso na ba numéro na biso 085 00 0 4440 topé lisusu 089 44 44 471, je répète 085 00 0 44 40 089 44 44 471. Pourquoi il peut recommencer la biseau dans 085 089 44 44 470. Je répète, 089 44 44 470. À titre de rappel, ba source ya histoire to betelebino lelo ezali na livre mi balé livre ya liboso ba bengiango l'histoire de, du kimbanguisme et komami na papa Joseph Diangenda Kuntima azali mwana ya prophète Simon Kimbangu a raconté na ba détails nyonso. Et puis mususu ezali ya mama moko ba bengi H l'église du prophète Kimbangu donc yepe alobi makambo Simon Kimbangu ba recherche to se baser essentiellement totali pe ba libro comme mususu mais essentiellement na ba livre na mi balé pour ba obani ba kolisa bondimi na bango to ba connaissance na bango ba référence yango. Merci beaucoup. Allô, bonjour. Allô. Bonjour. Bonjour papa. Oui. Papa Willy chauffeur. Oui ndeko Willy tozoka yo. Pardon s'il vous plaît papa. Kiti sana nous volume ya radio na yo. Merci. Bon. Naratuna ne ya yebaki histoire oyo amuka banda kala ku elinge lobaki ya yebi muka oyo bande banda tisuka nazomona alors asiona kumona ya travail histoire meme na gouvernement me antuka baka mususu abungaki ça n'a rien à voir avec le sujet s'il vous plaît tozo le belasimo kimbangu si non makamamboka ndeko totika confusion. Makamamboka ezama makamamboka. Mokolo toma luwa karoya wa kom politisye bo tuna emi tuna ya politiki. Lelo tozo lobela bomo ya Simo Kimbangu. Siko yo ye o ya eba ki makamboka la. Me a travaye na politiki. Abura ibo. Non, ndeko. S'il vous plaît. Okay, parlons en za kabongo te. Soko za mo tuna te sur. O to lobeli sur via Simo Kimbangu. Tika ba misu suba benga s'il vous plaît. Merci. Ok, ok. 089 44 44 471 0 85 00 44 40. Allô? Allô? Et papa? Papa Thierry. Oui, bonjour papa. Ah bonjour hein. Maïna Inalo Baba Rabouya. Allô? Oui. Et Inalo Baba, c'est papa Simon n'a pas fait bon, parce que là, c'est papa Simon qui fait les ba catholiques. Papa, c'est que, on est en train de se faire des choses, Ok, merci pour la question. Tu peux répondre. Dans tous les cas, tu es comme un niveau à l'Iwan a été. Tu es comme un niveau à l'Iwan. Et une certitude par rapport à exposé invité Nabisso, ezali que église catholique, église protestante na l'État, na colonisateur, bazalaki enfin voilà, ascension à Simon Kimbangu, to popularité na ekoma eko déranger bango. Tout à fait. Donc les deux églises, donc église catholique na église protestante, ba influence qui arrestation na. Oyo ya rolobeza ibongo siko makamba kokufa waneza makamba mususu pendant to komi konate. Allô, ça va, ça va, na sepel me komo na ngapendele. Merci ndeko. Merci ndeko. Allô, allô, allô, bonjour papa. Bonjour ndeko. Ma makambo papa nani azolo ba ize ya solo ngana botami catholique papa na mama catholique. Papa tango kufi leo kote kimbangi. Alo tango lobike le leza suite fe. Eza vema pasi po histoire na eza mulaita bakangie. Takomi leki kishasa awa. Alobike na asokola. Emasua esangani. Azwi nzela ase pembeni wana badandi kosokola. Vamo na kabini sili miokana babiloko no susu. Abandi ko sokola tango alobi kento kende nde nani masuwa e demare ekei e yami bale na ina loba plasi ya lobaki tumba eza tumba village po ya de tumba miso eza tumba mission na tumba village Tumba mission de place nga na botami et tumba village de place mwana mwasi wana akufa oyo papa Simon Timbangu asepe saki Dina. Oui, y a des tumba oui y a des tumba y a tumba mission merci place, de tumba village wana. Merci beaucoup merci Ndeko oui, merci beaucoup. Merci Tokutani tout à l'heure après Flash d'Info pour la suite et Mituna Nabino. Nous sommes le mardi 25 avril 2023 et nous parlons de la vie du prophète Simon Kimbangu. Deuxième partie. Fallait tout ce qui ça l'élo mais tout ce qui ça n'a pas ce écoya pour nous permettre un abisso tout na Mituna de réagir. Nazi d'ailleurs va appeler Belé Nenga tout qui n'a pas boé. Notamment le docteur Watou qui nous écoute, un ancien fidèle, ancien auditeur de Top Congo. Alobi na nonaib satoma luaka bosa na te ko rappeler ndenge Simon Kimbangu alobaka l'anecdote fa lobamara mingi ke moindo rokoma mondele mondele rokoma moindo ndenge alobela ki en contexte alobela ki amo motuna na bakotune na procès tozana na PV ya procès. Ah d'accord et puis bana kelasi babanae ko landae quelque part ebisa ibango bino batubokamba mboka obino batubotombola yango donc okay. Voilà. Beaucoup de gens nous suivent, merci beaucoup. Tozoa, ba réaction misusu. Ya ba auditeur sur parti auto tikolobela ya vie ya Simon Kimbangu tina niveau bakangie. Tout à fait. Hein. Donc ko bande siko par la suite, nenga ba osambisae, nenga okota boloko, tina okene okufa. 085 000 4440 089 44 44 471. Allô? Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Na linga kina tu na préoccupation nanga za question nanga za boye plutôt pour et pas ya professeur. Sko tango ye Simon Kimbangu akabwani soi-disant na père spirituel nai. Doctrine na kobai kote ya te ya kitaka ya Jésus-Christ ou bien amité ya ki ye moko pe azai ko sala ba dirizo wana na komo na ye moko ou bien ya Jésus-Christ. Merci beaucoup. Donc linguye ba tango kaboni alongwe na ouais alongwe pa ba protestant a créé ki kimbangisme a créé religion na ye topé tikala ikaka na voilà merci bingi pona motuna tozi auditeur mosusu allô bonjour. Allô bonjour oui na émission na kitela homa kasi pona histoire oya papa na biso tomalo yaka. Voici quoi la sujet ya Kimbangu nenge to yebeli ke ye tango abanda ki misona wenza mapesa ki ye ataka ki anesa kombo ya jesite ala kombo ya nzambe me na iso onde na oke pa na ye alobi ke ye anesa ba kombo ya jesu ya jesu ya jesu bon na bi se kote wana soki apolo berso nenge nini. Merci beaucoup donc okay. Alobi oya yebi Simon Kimbangu a balé autant à plutôt combo à Nzambe que combo à Jésus. Et d'ailleurs. Et Kokane na motuna ndeko tu ko tuna biso. Oui, voilà. Ce que n'a répondre rapidement. Oui. Tina Suka, pendant mission à Simon Kimbangu a bandé côté à Jésus Christ. Ndeko pe ndeko tu ko tuna a bandé côté à Jésus Christ. Preuve toza nango lelo oyo. Tangu ba mindele ba autorisé église kimbanguisme et salama. Voici kombo ba kimbanguiste ba pesi na église oya Simon Kimbangu. Église de Jésus-Christ par le prophète Simon Kimbangu. Église de Jésus-Christ. Lelo oyo, appellation officielle, y a église kimbanguiste. C'est l'église de Jésus-Christ par son envoyé spécial Simon Kimbangu. Donc voilà, comme il y a Yesu ezali na kati ya appellation ya église Kimbangu. Moi confusion de la kanobi hein, ba misusu ba teyaka que Simon Kimbangu bande côté à Jésus-Christ. Non, tango Simon Kimbangu akabwani na ba protestant azali ko continuer côté à Jésus-Christ. Merci beaucoup. Tozi auditeur mosusu. Allô bonjour. Bonjour pasteur, bonjour papa Thomas Luaka. Bonjour madame. Viviane Dukelu. Tozo ka. Nina ye baka tango Morel ba yaki kokanga papa Simon Kimbangu bazale na 20 soldats ba msusu ba tikale quelque part siko nina yaki na 2 soldats wana moko babamba ke libanga na mutu moko bachuba kie ma makonga mbeli kona version oyo alobi ya histoire mais si kona version bande kwa simoke bande kwa kimbangu se balobi no papa simoke mbango lokwa ndo linga violence te ninga bande ote ya bango makamba mabete bango balobi no basala ki violence te na ndenge bango ba yaki kokanga ye mais na trouble wana papa simoke mbango akimaki si kona lila ye bana version mibale o na simba wat oh bande kwa soki mbangu se balobi po maboya ki violence oh, ils sont dans le lobby, ils sont dans le banga, ils sont dans le banga, ils sont dans le version. Merci, Bingi. Merci, madame. Maman, c'est une histoire. Moussala Nangaye, ils sont allés couper sa version sur les alliés. Moutoura Moutou a pour la version à quoi on dit. Même les écrivains se contredisent donc sur ce point. Exactement. Parce que au recourir à la source, c'est belle, autant qu'il y a un livre. Oui. Bazo. Tout à fait. Ouais, l'administration divergent. L'administration a la version na yeba ki mangu se mala version na bango abi bango nde babanda ki mobulu ba soda nde babanda ki mobulu ko beta papa ki mbangu ya mwana population réagir administration lobité biso to yaki ba yambi biso déjà na mabanga ya mwana soda mo kwa azoka ki azuli banga na mutu soda mususu ba tubie bambeli siko nani abandaki to yebite donc comme to zalaki wana te version administration coloniale oui na version ba ki mbangi exactement voilà Kotona koto babi bango pe bandek. Voilà, merci. Tosi auditeur Mosusu. Allô, bonjour. Bonjour. Na sepeli ni comme nangai papa Bilolo, hein. Na surveillant Kimbangiste. Tozo kayo papa. Vraiment na sepeli makasi pona kumona déjà histoire papa Simo Kimbangu. Na dernier point obazolo bawana. Ta morela wina nkamba. Ami mona ki déjà akino kanga papa Simo Kimbangu. Mais papa Simo Kimbangu à l'avance. Ayeb sa ki bandimi na ye nyoso tuna morela kujete. Ayeb si bango alobi bakoya ko kanganga e bako beta ngai. Mena ningite mutu azungisa eloko. Soki oyebi ko ku supporter te longwa. Batu ba ko supporter ko mona pasi na ngai batika na ngai. E batu wana batika la ki tang morela ye akangi papa Simo Kimbangu. Abandi ko beta ye. Abani kosta yi mabe. Maintenant, tant que population a moni réaction wana, ba sala ki elo kote. Mais tant que babeti ba bal perdu, nde yi ko zwa maman ou yazaki na mwana mokongo. Parce que tant que babali ko beta ba soda. Parce que tant que babali ke bakoubi déjà na mwaya ko supporte, te bazo ko beta papa si mwana na misu na bango, tant que ba réagir, nde mundu ke lela ki na avant, ba beta papa si mwana kimbangu, mundu ke sala ki réaction mon côté les deux li kambo ya na sala ki moi remarque mouke tant on le dit que tous autres les sala papa Simo Kimbangu ki angali te ezaki moi erreur mouke le baki okay. Mais ezaki papa Simo Kimbangu ki angali te papa Simo Kimbangu 1921 okay, okay. Deux, oui. Deux na yeko la kambo itali papa Thomas Luaka franchement je suis beaucoup attiré. Et na sepeli mingi. Yangwa histoire oyo, ozana deux documents, livre vert, ndena zalibo na zanango. Landa makambo ezana kati ya livre vert, parce que yangwa nde mwana ya papa Simo Kimbangu a commis makambo tata na bango par rapport na histoire ba zanango. Merci. Mais oyo ya Suzanne H, depuis 1985-70, Suzanne H a komaki livre wana. Tant a komaki livre wana, tuzaki na makete. Il y avait beaucoup d'erreurs na kati. Merci beaucoup papa. Et erreur wana yangona to moi était non. Papa Djenga ta yebsa ki bisu na matete. Depuis les années 75 je dis bien. To komela ka ba téléphone et belé ki na ki na Suzanne H. Juste ce que Suzanne H a singa ki pardon. Merci. Yangona côté wana document officiel ya biso ba kimbangiste. C'est ça le document. Merci papa. Juste s'il vous plaît. S'il vous plaît, tant il faut que ça peut battre Moussou Tambaloba. S'il ça prend en 20 secondes pour terminer. Pour terminer, ce que vous en emportez, il soit vrai, papa Simo Kimbangu Ndengo Salinde, et si vous avez libre vert, l'anakara Batini Balewana. Merci. Par contre, non, papa, Charles Dengel, Bangoumi Bale, Baye, il soit à Satan, Bangoumi, encore de Bangoumi, très bien. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, papa. Juste une précision par rapport à Yalikambo Yo Lobby Asuka. Naroloba, Naroyano na place ya Thomas Luaka. Azali chercheur. Chercheur à se fier à Karana source, mon côté. Malheureusement. Yo lobby, livre vert, yango yote. hein, pour n'avoir pas besoin d'abonner sur YouTube. Livre au moins un aïe moura komi. Yangonde za officiel. Toboite. Wana yo lobi. Kasi. Chercheur aza moluki. Moluki. Pour aïe la bino matière. Azui awa. Azui awa. Azui awa. Azui awa. La preuve. Boyoki ke. Par rapport à version arrestation à papa Simon Kimbangu à lobi. Bakimbangiste baloba boye. Administration et loba boye. Donc, au coup, quand il cherche un texte, il se fie à la source, mon côté, à la livre, mon côté. Même ma solo, il y a un bête à mi colonie. Mon attangi, il y a un livre à professeur Isidore Ndaiwel, il y a un peu de temps, il y a un peu de. Donc, il faut que Luka, au Luki, au Luki, au Luki, au Sangi, si ba fait, après, au PCA. Donc, qu'on limite à la livre, mon côté. Parce que oh wana bomuni kezana ba erreur tonini bon évidemment beaucoup d'auteurs ont écrit sur Simon Kimbangu ou sur le kimbangisme mais moluki mosala na ezali koluka partout bisika nyoso rozwa quelque chose sur les solo oyo akoya kobete na biso et je peux vous dire que ce n'est pas facile. Bref, merci beaucoup papa. Tous les auditeurs yasuka avant tout temps ba message. Ouf, ba message c'est béni. Allô, bonjour. Allô, allô. Allô, bonjour, papa Thierry. Bonjour. Ah, nazoutou na papa Thomas Louaka, ngande kobose mona bengi bien na komé na ngaleni. Nazoutou na boye. Na recherche na yena bita soki ezali. Soki te komama ke Simon Kimbangu azali nzambe parce que na mona confusé mon restaurant. Mais kuna ya lobi ke abanay kotambe la Jésus-Christ, mais le loba benga ka ya azali nzambe. Na ebite na recherche na ye akolobani. Merci. Merci beaucoup. Ndeko Tumaluaka. Kimbangu azali nzambe. Ayoka kabalo baka yango. Sikoyo koma ou explique cela na pona moto ya bande kote ande Yesu. Tokomona yango tango tokomona doctrine kimbanguiste nandenge nini évolué. C'est vrai que la doctrine a évolué. Yango pe expliquer changement ya kombo ya église. Tokomona ngona detail tango tokokoma na moma wana. Église e bandaki ndenge na otay koloba. Église de Jésus-Christ. Sur la terre, par les prophètes Simon Kimbangu, le lieu commun, église de Jésus-Christ, par son envoyé spécial Simon Kimbangu. Et ça, moi, signification doctrinale, où est justifié, changement à combo dans tout le monde. Merci beaucoup. Alors, tout en bas, message, ya Bandeko. Bonjour, Top Congo. La légende raconte que Simon Kimbangu, dans ses œuvres miraculeuses, est allé libérer le roi des Belges, emprisonné comme espion en Allemagne. Cela est-il vrai, Ndeko Jean Sep à Kinshasa? Ndeko Sep à Kinshasa, oui. Et ça, solo, tout est. En tout cas, naba, ça, dans le livre, il y a Papa Diangenda. Naba livre, Moussounga, na tangi, version, na yoki angote. Na yoka kaonka ka batu abeta kama solo, mais ce n'est pas documenté. Message SMS, Moussousou. Bonjour, Ndeko Thierry, pe invité. Simon Kimbangu, Andi Makayezu, comme qui? C'est Monsieur Willindaka depuis Kingabwa Point Show. Seigneur et Sauveur. Bonjour Papa Thierry n'a invité. Zalinga inde ko papi riche ta camping. Papa Nkusu yepe abandaka kote ya Yesu. Soki aboyi alongo la photo Papa Simon Kimbangu po ye aza moto église de noir. Bon enfin ça c'est autre chose. Bonjour motuna na nga ezali boye. Po na nini ba congolais tondimela kaka Kimbangu à 100% te mais yé moutou a sala ba spectacle belé pour na biso ba congolais pe abondi son indélé c'est makina depuis UPN. Message mosusu ya ndeko a komeli biso depuis Matadi alobi. Bonjour papa Thierry, c'est Mardoché Mpaka depuis Congo Central, précisément la ville ya Matadi na sepeli na sujet. Merci de nous suivre Matadi sur 88.7 FM. Bonjour Thierry et bonjour à Thomas Louaka. Si je comprends bien, la souffrance de Simon Kimbangu vient des églises et des Belges. L'administration coloniale Mutuba Kanga Simon Kimbangu. C'est vrai qu'il y a eu des plaintes. Il y a des catholiques, des protestants. Mais na boyi na suka emisio balobaki, ba catholiques, ba protestants, des babomaki Simon Kimbangu. Ba Mutuba Kanga est l'État. L'État Mutuba Kanga pour troubler à l'ordre public. Voilà. Bonjour Papa Thierry, invité Nabiso, nom, poste, nom, Fumo Kimbangu, Simon. Ezali Kombo Tango, Azwaki Batem, Nde, Asili, Kozwa Kombo, mais Kombo, ya, oh, Tatana, ya Pesa qui Ezali Nini. Le Papa Thierry, invité Motuna Nangabo, est-ce que Fumo Kimbangu, Azwaki Kote, à la Bible? Oui, Tostolo Biango. Maker depuis Kimbangu, enfin, depuis Mongafula, pardon. Tango, avant zo baptême comment na ezaki nini nga na yebika kombo ya kimbangu kombo ya kimbangu kanenga na yebi merci et la question c'est lui qui révèle les vérités cachées voilà merci ba message ezali ebele bonjour top congo bonjour papa Thomas Luaka tukosenga na mkumu moko ya proche a Simon Kimbangu ali kana plateau ya top congo poto tuna pe mituna concernant Kimbangu, Monsieur Bozo Kimbola Don Bosco. Bonjour, Nazolanda Savan Abiso Thomas Luaka. Nagope Saima Tondi pour la recherche à Sali volontairement. C'est Monsieur Pati depuis Matadi. Wow. Merci de nous suivre depuis Matadi, Bozai Bélé. Juste une proposition. Bonjour, Top Congo. Construction un monument pour la Simon Kimbangu. L'une des villes du pays est Zwa Kombo ya Simon Kimbangu. Exemple, ville Yaboma et Koma Kimbangu ville. Ndeko Padre Samuel, message ya Ndeko Wana. Namona ki d'ailleurs le président de la République a mbi chef spirituel hein. Ya Bakimbangiste ya mbaki lobby. Bonjour Thierry et votre invité, s'il vous plaît, ne pas mettre sur le même pied d'égalité la version de Kimbangiste et celle de l'administration qui a déporté nos aïeux. C'est comme prendre en considération les propos du Troisième Reich qui justifie ces crimes. Simon Kimbangu se battait pour la libération de l'homme noir, ne l'oublions pas. Voilà, message. Ndeko, attends la Bible, il y a une version de pharisien, une version de Yesu. Donc voilà, et puis nalobaki yango, nalobaki. Et c'est important de comprendre loi quand même la suite ya lisolo koloba toujours que version ba Kimbangiste ezali boye. Oui. Version et administration Ezali Boué. On sait que bon, l'administration coloniale, pour X ou Y raison, a présenté la situation à sa manière. Totalement. D'ailleurs, bah, l'histoire est un beau cannabis, Ezali déformé parce que bon, voilà, tout ce qu'on a, enfin, on a lu, on nous a enseigné la version des plus forts. Mais bon, voilà. Donc, mène à ma recherche, que l'on toujours que Bango Balobagi Boué. Tout à fait. Église et l'obagi Boué, Ezali Namotouya. Merci Nayo. Tokomi Nasuka. Hein, voilà, malheureusement. Ah, peut-être le loco à souka. Oui, remerciement à Papa Bilolo, hein, surveillant, où il a confirmé que Makambo n'a l'objet d'un acte de livre vert. Hein, parce que Ndeko Christian, de sa connaissance, il n'a pas de message. Moko, Muninga n'a pas de message. Il n'a pas de raconter Makambo à l'okuta ou à l'antenne. Et mon ami qui va Kimbangiste ou à Tanga livre, il va y avoir de la Makambu Oeza et Salamaki na histoire ya Kimbangu. De toutes les façons, soyez batbazo en abisson na YouTube na présenté livre vert. Oui, bah pour vérifier Makambu na nyoso na kati. Merci beaucoup. On a aucun intérêt à quoi au cosa population. Voilà, et Tolobara toujours que Oeza travaille à recherche, travaille bien à sûr. Recherche, motosala mosala recherche à kokate, à sokate. Bien sûr. La preuve batbazo pesa ba témoignage belé. Ah mais abosani le robot et toi a compléter le robot. Ah. On est ouvert voilà, aux critiques. Donc voilà. Et surtout Tozolo Bela Lisolo, et je vais terminer par là, Tozolo Bela prophète Simon Kimbangu, na contexte ya Esengo. Exactement. Na contexte ya Rola Kisabato, rôle ligne ya joie na mboka na biso. Et pourquoi l'État a pesi journée wana? Voilà, c'est très important. Yangwana toti émission, oyo parlons-en, Tozolo la trois numéros pour na ye, pour na Rolo Bela. Na bato ba yeba kite, to na bato ba yokaka peut-être malamu penzate, to na bato ba tangisa bango yango te, parce que le problème de notre pays aussi, c'est que ba tangisa biso na histoire penza, ba véritable héros ya mboka na biso te, bato ba bunda to yeba bango kaka bongo bongo to yeba bango penzate. Donc l'objectif ici est plutôt de mettre en valeur exactement le combat de Simon Kimbangu plutôt qu'autre chose. Donc, c'est l'objectif, il y a parlons histoire, voilà. C'est valoriser notre propre histoire. Voilà, merci à vous Thomas Luaka Losenjola, merci à tous ceux qui nous ont suivis, merci aux équipes à la régie, Alain Bungu, Chris Bivula, Dani Zayobi, Patrick Mungongo, Didi Bintika et Théo Lusakweno. Parlons histoire, suite et fin à l'isolo et à Simon Kimbangu. Semaine prochaine, mardi prochain, Kasi Lobby, parlons-en, Torlebella Transacadémia. Étudiant, hein, dans la Kakibino émission Wana, Torolobela Yango Lobby. Merci. Vivez la meilleure expérience Internet avec la 4G+ d'Orange, numéro 1 en coupe.